Oh, oh, oh, c'est le docteur. J'espère pour vous que vous avez été sage cette année. Je vous souhaite un mauvais Noël. T'attends pas au Père Noël, ce soir je vous fais pas de cadeau. La blanche neige est si belle qu'elle rend le sang rouge plus beau. Que tu sois jeune ou vieux, tu auras sûrement picolé. Ne laisse pas seul ta peume ou j'irai dans ses cheminées. J'ai un grand manteau rouge, mais je ne suis pas en col blanc. Je ne peux pas blêler les bourges que je sacrifie à Satan. Le pentacle est déjà tracé, gravé avec un pic à glace. C'est parfait pour célébrer la nuit de ce Saint-Nicolas. J'ai un problème de traîneau, beaucoup de mal à avancer. Demande de l'aide au dieu galop, mes reines ont fini dans le pâté. Je dois s'y être fourré la dinde, je ne connais pas encore ta sœur. J'ai sorti la seringue, fais confiance au docteur. Je viens vérifier ta foi, ta tête enfuit comme un rat. Je vais t'arracher le foie, et que mon shit il est très gras. Mes théories de Noël, et oui je descends du ciel. Maintenant je vais te déballer de ton enveloppe corporelle. Hachoir dans le crâne pour répandre ta cervelle. Va mettre ton bonnet d'âne, espèce de petite pucelle. Vous passez toute l'année à cracher sur les gens. Cadeau ne va pas effacer cette attitude affligeante. Attendez le Père Noël, j'ai pire que le père fouettard. Tu te maquilles à la truelle, je te transforme en sauciflard. Mon couteau dans ta gorge, tu te mets à suffoquer. À aucune règle je ne déroge, du charbon pour t'immoler. À chaque fois c'est pareil, on veut que ce soit la fin. Faites coup de descente bouteille pour te perforer la tête. Te découpe en morceaux et te jette dans la rivière. Dévoré par les corbeaux, tu te retrouves dépouillé de ta chair. Je me promène dans la rue avec une très grande hache pour buter des inconnus et que leur sang la neige se tache. Un enfant bâillonné accroché dans ma hotte, lui apprendre à tuer pour que mieux je me porte.